Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, un format un peu particulier. En tant que collaborateur de l'UTAC, on a la chance de pouvoir analyser de près les véhicules qu'on propose. Et il y en a un qui a vraiment retenu notre attention. Exactement. Il s'agit du Nissan Juke dans sa version hybride de 143 chevaux. Finition Business Plus, un modèle de 2023 avec 37 300 km. On va donc décortiquer ce qu'il rend si unique. Tout à fait. Pour commencer, il faut se souvenir un peu de l'histoire du Juke. En 2010, c'est lui qui a, en quelque sorte, créé la catégorie des crossovers urbains. Ah oui, c'était un choc à l'époque. Un design qui ne laissait vraiment personne indifférent. C'est le cas de le dire. Et son nom, Juke, ça vient du football américain. Ça signifie « esquiver l'adversaire ». Je trouve que ça définit parfaitement son agilité, son côté un peu non-conformiste. Un design pensé à Londres par les équipes de Nissan. Tout à fait. Et ce modèle 2023, bah c'est clairement le digne héritier, avec des lignes encore plus affirmées. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est sous le capot. On parle d'une motorisation hybride de 143 chevaux. Et ce n'est pas un système classique, attention. Il utilise une boîte de vitesse automatique qu'on appelle multimode. Sans embrayage, c'est ça? Exactement. Une technologie qui est inspirée directement de la Formule 1. Ah oui, quand même. Une petite anecdote d'ailleurs, le véhicule démarre toujours en mode 100% électrique. Dans un silence total, j'imagine. Absolument. Et en ville, les chiffres sont impressionnants. Il peut rouler jusqu'à 80% du temps sans utiliser une seule goutte d'essence. Et il y a cette fonction, le pedal step, j'ai vu ça. Oui, alors ça, c'est une innovation majeure. En gros, ça permet de conduire presque uniquement avec l'accélérateur. Comment ça marche exactement? Quand on lève le pied, la voiture ne se contente pas de ralentir, elle freine doucement, toute seule, et en même temps, elle recharge la batterie. Donc c'est une conduite plus apaisée, surtout dans les embouteillages? C'est exactement l'idée. C'est particulièrement efficace dans le trafic. Parlons un peu de l'équipement. Ce Juke est en finition Business Plus. Oui, et ça veut dire qu'il est très très bien équipé. On y trouve quoi de vraiment utile au quotidien? Alors d'abord, la vision à 360 degrés. Ça, c'est grâce à plusieurs caméras autour de la voiture. Ce qui rend les manœuvres extrêmement simples. C'est ça. Fini le stress dans les parkings. Ensuite, il y a le grand écran tactile avec la navigation Nissan Connect. Compatible Apple CarPlay et Android Auto, j'imagine. Évidemment, c'est devenu indispensable. Et côté sécurité? Il est bien doté. Il a le freinage d'urgence intelligent qui détecte même les piétons et les cyclistes. C'est important. Très. Il a aussi la reconnaissance des panneaux de signalisation et bien sûr les radars de stationnement avant et arrière pour compléter le tout. Donc, pour résumer un peu, ce Nissan Juke, c'est la synthèse parfaite entre un design qui a du caractère. Tout à fait, une technologie hybride vraiment avancée. Et une consommation maîtrisée. On est autour de 5 litres au 100 km, c'est bien ça? Oui, on est dans ces chiffres-là. C'est un véhicule de 2023 avec peu de kilomètres. Il offre une expérience de conduite à la fois dynamique, économique et très confortable. Il est donc dès à présent disponible à la vente chez nous, à l'UTAC. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.